Bonjour. Vous manifestez avec une toute petite fille. Oui. Et avec en même temps une chasuble CGT. Bah oui, parce qu'il faut manifester pour l'avenir de nos enfants et c'est très très important. Et donc je prends le risque de venir avec ma petite fille. Voilà. En dépit de l'ambiance sur les manifs, enfin en Rouen ça va encore, sauf celle du 9 janvier où c'était pas très agréable. Oui, oui. J'ai quand même un peu peur, hein, mais oui. Voilà, je suis venue parce que c'est très très important pour nous et surtout pour eux. Donc, voilà. Okay. Vous êtes à Renault-Cléon ? Non, on est avec La Poste. Nous. Ah, vous êtes derrière, vous êtes ouais. La Poste. Et alors, est-ce que à La Poste, vous avez d'autres raisons de manifester que la retraite, je pense ? Que la Poste, que la retraite. Que la retraite, oui, le manque de postes, le refus de salariés, des CDD, des intérimaires. Les réorganisations où on double les tournées, on demande aux facteurs de faire double tournée avec des pauses déjeuner parfois à 20 minutes de son site de départ avec des semaines de 42 heures avec une journée de repos glissante. Des journées glissantes, c'est-à-dire qu'une semaine ce sera lundi, la semaine suivante ce sera le mardi, la semaine. Donc ça lui fait un week-end dit normal tous les deux mois. Il aura des journées de travail de 8h à 17h45 du lundi au samedi, donc plus de vie de famille. On lui supprime les primes, on lui supprime des paniers de Noël. Et on nous explique que c'est pour des raisons budgétaires, mais il me semble que 100 000 euros ont été dépensés par le groupe La Poste durant l'Armada pour un repas sur un bateau. Donc l'Armada, je précise aux gens qui ne sont pas à Rouen, c'est une grande réunion des bateaux, des beaux bateaux, des beaux voiliers à Rouen qui se tient toutes les quelques années. Exactement. Et je trouve malheureux qu'un groupe ancestral comme La Poste puisse faire pédaler des personnes de 50 ans pendant 7 heures sans état d'âme, en lui disant que c'est bénéfique pour l'entreprise, alors qu'on sait pertinemment qu'il y a de l'argent, qu'il suffit juste d'employer, de CDIser, et que voilà. Voilà. Okay. Ton prénom, c'est quoi ? Herman. Ton prénom ? Audrey. Merci. Bonne manif. Ouais. C'est un collectif de radio associative. Ça y met sur les web radio. Et est-ce que vous voulez dire justement, vous portez la banderole de Renault Cléon ? J'entends pas, excuse-moi, je suis dur de la feuille, c'est l'atelier ça. Répète plus fort. Tu tiens la banderole de Renault Cléon ? Oui. Est-ce que tu veux dire pourquoi vous êtes ici là ? Qu'est-ce que tu peux dire ? J'ai pas entendu la fin de la phrase. Expliquez pourquoi tu es là. Pourquoi je suis là ? Parce que je suis révolté. Parce que de toute façon, les gouvernements qui succèdent, que ce soit Macron ou ceux qui étaient là avant et ceux qui seront là après, de toute façon, leur boulot c'est de nous faire les poches, c'est de pomper le pognon d'en bas de la société, là où on crée les richesses, en haut de la société, là où il n'y a que des parasites en réalité. Moi c'est ça qui me révolte et je suis convaincu qu'on aurait la force, nous les travailleurs, l'ensemble des travailleurs, qu'on soit du public, qu'on soit du privé, qu'on soit embauché en CDI, en CDD, intérimaire. Si on s'y mettait tous ensemble de façon organisée et consciente, eh ben on aurait vraiment la force d'aller prendre le pognon là où il est. Parce que du pognon, il y en a énormément, énormément, ils ne savent même plus quoi en faire. Mais par contre, c'est pour eux et c'est pas pour nous, alors que c'est notre travail qui crée ces richesses. Et ben voilà, moi je suis là pour dire ça. La réforme des retraites, ce n'est que l'une des choses importantes qui se passe en ce moment, c'est la principale. Elle a le mérite de mettre dans la rue aussi bien des gens du public que du privé. C'est pas un mouvement corporatiste et moi c'est ça que je trouve vachement bien. Parce que précisément, les gens qui sont là dans la rue, ils ont conscience que c'est pas en se battant chacun dans son coin qu'on a des chances d'être plus fort que le gouvernement et que le grand patronat. Et que c'est en mettant nos forces en commun. Alors là, c'est qu'une étape. Aujourd'hui, c'est une manif qui n'est pas ridicule, sans être une manif monstre. Moi je pense qu'il faudrait plus et il faudrait que tous les gens qui regardent le mouvement de loin avec sympathie ils comprennent que ça dépend aussi d'eux, le succès du mouvement qu'il ne s'agit pas seulement de regarder de loin avec sympathie mais de nous rejoindre. Je sais que c'est pas facile de faire grève mais on n'a pas le choix parce que de toute façon tout ce qu'on ne fait pas aujourd'hui il faudra le faire demain et demain si on ne gagne pas aujourd'hui demain ça sera encore plus difficile. On aura encore plus de chemin à parcourir pour remonter la pente. Et toi, tu es en grève ? Là, alors, moi, je suis à mi-temps thérapeutique, donc aujourd'hui, je ne travaille pas. Mais quand ça tombe sur mes jours de travail, oui, bien sûr, je suis en grève. Et à Renault Cléon, il y a un gros mouvement de grève ? Non, on ne peut pas dire ça, honnêtement. Il y a eu, au plus fort, la manif la plus importante. On estime qu'on était à peu près 200 en grève, ce qui est vraiment bien pour ces dernières années. Sur une boîte de combien de personnes ? Alors, sur une boîte d'à peu près 5000 personnes, mais avec, comment dire, c'est de plus en plus difficile de mobiliser depuis plusieurs années. Le patron a développé la précarité, mais vraiment à un point jamais vu jusque-là. C'est pas spécifique à Renault, hein. Dans toute l'automobile et même plus largement. C'est une tactique patronale de ces dernières années, depuis on va dire 9-10 ans à peu près. Par exemple, nous, il y a sur les chaînes de montage ou les ateliers d'usinage, il y a beaucoup d'ateliers où il y a une majorité d'intérimaires. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible pour eux de se mettre en grève ou de se battre, mais c'est évidemment beaucoup plus difficile parce qu'ils ont peur, et on les comprend, de perdre leur boulot. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, il y a un droit de grève, en théorie, mais en vrai, ce droit de grève, il y a toute une partie du monde du travail qui ne peut pas l'exercer parce qu'il a beaucoup de choses à craindre. Et moi, je vois que la colère, elle s'accumule, et quand ça va leur péter à la gueule, j'espère que ça va leur faire mal. Merci. Ton prénom, c'est quoi ? Christophe. Merci. Courage.